8h26, bonjour Jean-Christophe Martin. Bonjour Raphaël. C'est l'heure de lire les journaux avec d'abord un appel à la vigilance ce matin face aux menaces grandissantes qu'Internet fait peser sur nos libertés. Votre vie privée vous intéresse et vous n'êtes pas les seuls. Le slogan de la consultation publique lancée par la Commission nationale informatique et liberté résume l'état de nos libertés. Ce n'est pas Internet qui est mis en cause, mais l'usage qui en est fait. Et c'est la Provence qui relance le débat ce matin avec cette mise en garde d'Alex Turc, le président de la CNIL. Progressivement, le filet se resserre sur nos libertés, un filet aux mailles toujours plus serré. Ça va des fichiers de police à la vidéosurveillance, en passant par la biométrie et donc Internet, avec spécialement les réseaux sociaux du genre Facebook, où des données personnelles sont déversées tous les jours par des adolescents qui ne se rendent pas compte, souligne Luc Leroux dans La Provence, qu'ils figent leur personnalité sur la toile pour des décennies en livrant au public et peut-être à leur futur employeur des données qui pourrait un jour être utilisé contre eux. Alex Turc, le président de la CNIL, est clair. Il avoue dans La Provence que ce traçage des individus à la fois dans le temps et dans l'espace lui fait extrêmement peur pour l'avenir. Il ne parle pas de tsunami, mais d'une vague qui monte et qui grignote liberté après liberté comme une lente montée d'une eau dangereuse, écrit La Provence. Dans le journal, Alex Turc appelle les Français à sortir de leur torpeur face à la menace et à se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. On ne saura jamais ce que Victor Hugo aurait pensé d'Internet, mais il revient en tout cas dans l'actualité. On peut rêver en tout cas de ce qu'il aurait fait avec Internet. Mais la question du jour, peut-on écrire une suite aux Misérables au XXIe siècle? La question est à la une du Figaro, car c'est aujourd'hui que la justice rendra une décision définitive dans la longue procédure engagée par les héritiers de Victor Hugo contre François Cérezat, l'écrivain qui avait été chargé par son éditeur d'imaginer la suite d'un monument de la littérature française. Une décision de justice qui est tout sauf anecdotique, elle est de première importance pour tous les romanciers qui rêvent d'emboîter le pas des grands auteurs. Alors Stéphane Durand-Soufflant ne pouvait pas rater l'entrée en matière. Ce siècle n'avait pas encore 2 ans, dit-il, que déjà Victor Hugo entrait au tribunal. Pour François Cérezat, écrire la suite des Misérables, c'était d'abord un jeu littéraire. Il avait ressuscité l'inspecteur Javert que Victor Hugo avait noyé dans la Seine. Mais pour Pierre Hugo, descendant de Victor, pas question de laisser passer ce crime de lèse Hugo. Par la voix de son avocat, il se plaint de n'avoir pas été consulté par l'éditeur. Il considère que les livres de François Cérezat dénaturent l'œuvre de son ancêtre. Voilà pour la polémique proprement littéraire détaillée dans le Figaro. Et très accessoirement, bien sûr, le plaignant réclame aussi près de 700 000 euros de dommages et intérêts. Au-delà du cas Cérezat, d'autres écrivains attendent la décision de la justice pour se lancer dans des suites. Selon le Figaro, il y a dans l'air par exemple un projet pour Madame Bovary. Alors que va dire la justice? Elle pourrait s'inspirer d'une citation de Victor Hugo citée par la défense de l'écrivain. « Je donne mes œuvres à la France, que le domaine public les donne au peuple ». Conclusion pour le Figaro, que Pierre Hugo obéisse à grand-papa et laisse les écrivains écrire. On verra aujourd'hui si la justice interprète dans le même sens cet appel posthume de Victor Hugo.